Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Gloire au Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, Pastor Faustin. Amen, Pasteur Faustin. The Lord bless you. Now listen, the Lord has spoken with me. Le Seigneur te bénisse. Maintenant, écoutez, le Seigneur a parlé avec moi. I want your listeners world over to know that the Lord Jehovah He spoke with me this past night. Je désire que vos auditeurs sachent que le Seigneur Jéhovah, il a parlé avec moi cette nuit passée. And in that conversation, the Lord took me to one country. Et dans cette conversation, le Seigneur m'a emmené dans une contrée. And in that country, et dans cette contrée, I could see I was in the stadium. Je pouvais voir que j'étais dans un stade. There was a huge, huge, huge meeting in the stadium, and including up, you know. Il y avait un énorme, énorme, énorme rassemblement dans le stade, jusqu'en haut, vous savez. Up, it looks like the people are all the way up, the way it's arranged in the stadium. En haut, les gens vont jusqu'en haut, dans le stade. Full, very big meeting, full stadium, very full. Plein, un très grand stade, plein. Très plein. And then while I was there, et ensuite, pendant que j'étais là-bas, then, I immediately began to worship. Alors, j'ai immédiatement commencé à adorer the beautiful song that says, le beau chant qui dit Hallelujah. I was singing Hallelujah. Alléluia. Je chantais Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. I was singing that song in that way. That song, I was singing it in the middle of the stadium. It was full, full, all the way up, beginning down, going up. It's a well-built stadium. Je chantais ce chant de cette manière. Je chantais ce chant. Je chantais ça au milieu du stade. C'était plein, plein. Je chantais ce chant. Je chantais ça au milieu du stade. C'était plein, plein. Tout le chemin en haut, allant jusqu'en bas. C'est un stade très bien construit. And then, as I sang that song, then the glory of the Lord befell the meeting. Et ensuite, comme je chantais ce chant, la gloire du Seigneur est tombée sur le rassemblement. And so many people, the glory of the Lord struck the meeting. The massive healing anointing of the Lord struck the meeting. Et tellement de gens. La gloire du Seigneur a frappé le rassemblement. La massive onction de guérison du Seigneur a frappé le rassemblement. And so many people were laid from up there. Et tellement de gens étaient frappés par le Saint-Esprit depuis en haut. So many ushers were carrying a lot of people. Alors tellement de placeurs portaient tellement de gens. Bringing them down from up, up there. Les amenant en bas, d'en haut. Many, many corners and the healing service was beginning. De beaucoup, beaucoup d'endroits. Et le service de guérison commençait. And then I see a little problem with Emukule because Emukule was playing a keyboard. Et ensuite je vois un petit problème avec Emukule parce que Emukule jouait de l'orgue électronique. And he was supposed to play keyboard but his wire, the way he connected the wire. Et il était supposé jouer à l'orgue électronique mais son fil électrique, la manière dont il connecte le fil. The power did not enter, was not entering his keyboard. Le courant électrique n'entrait pas. Le courant électrique n'entrait pas dans son instrument. And then, Emukule, the keyboardist. Et ensuite, Emukule, le keyboardiste. Now struggled because his wire could not, the power cannot feed into his keyboard. Luttait parce que le courant n'arrivait pas à son clavier. And then when he touched the nearby keyboard, he found that it has power. Et ensuite, quand il a touché le clavier, il a trouvé qu'il y avait du courant. So he was trying to move to the next keyboard. There was a lot of problem with Emukule now doing that. Alors il a essayé d'aller au clavier suivant. Il y avait beaucoup de problèmes avec Emukule maintenant faisant cela. There is a bit of that hitch there. I've seen the details of that meeting. Il y avait un peu de ça qui remplissait les détails de ce rassemblement. However, a massive historic healing anointing strikes that meeting. Cependant, une onction de guérison massive a frappé ce rassemblement. A lot of people are healed in that country. Beaucoup de personnes ont été guéries dans cette contrée. Full stadium, full, absolutely full stadium. Un stade plein, plein, absolument plein. All the way coming up, going upstairs, all the way up there. Tout le chemin jusqu'en haut, tout le chemin là-haut. Around like that, and I was right down there, the middle. Tout autour, et j'étais en bas, dans le rassemblement. Ministering the message of the coming of the Lord. Donnant le message de la venue du Seigneur. The message on repentance. The message on the need for people to return to righteousness. Le message de la repentance, le message du besoin que les gens ont à retourner à la justice. The message for the coming of the kingdom of God that has drawn nigh. Le message de la venue du royaume de Dieu qui s'est approché. The message on zero tolerance to sin, the message of restoration. Le message du zéro tolérance au péché, le message de la restauration. In the Christian worship experience, dans l'expérience de l'adoration chrétienne, that now they may be more prudent, pour que maintenant ils puissent être plus prudents, more careful and critical with their Christian lives, qu'ils fassent plus attention et qu'ils soient critiques avec leur vie chrétienne, and avoid sin and be the light of Christ, et qu'ils évitent le péché et soient la lumière de Christ. And so I was rebuking sexual sin in the church. Et donc, je réprimais le péché sexuel dans l'église. I was rebuking the false prophets, the false apostles you see globally. Je réprimais les faux apôtres, les faux prophètes que vous voyez au niveau mondial. And all these evils that have plagued the church. Et tout ce mal qui infecte l'église. But a historic healing anointing strikes that meeting. Mais une onction de guérison historique a frappé ce rassemblement. As I am there. Until now, I don't know which country it is. Comme je suis là-bas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel pays c'est. May the Lord be blessed. Puisse le Seigneur être béni. May those who have ears prepare for the glorious coming of the Messiah. Que ceux qui ont des oreilles se préparent pour la glorieuse venue du Messie. Because these are the days of His glory. Parce que ce sont les jours de sa gloire. And these are the latter days. Et ce sont les derniers jours. Of his latter glory. De sa dernière gloire. These are the days of his servant. Ce sont les jours de son serviteur. The Messiah is coming. Remember, I have seen the Messiah coming for the church. Le Messie vient. Souvenez-vous, j'ai vu le Messie venir pour l'Église. And nobody knows the day or the hour. Et personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Shalom. Shalom.